إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المجلس الجديد لمدارسة كتاب الحافظ النووي رحمه الله. Donc nous voici réunis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour une nouvelle assise concernant l'explication de certains des sens des ahadith compilés par al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah. Et donc nous étions arrivés dans notre dernière assise au 11e sujet important tiré du deuxième hadith de l'auteur, connu sous le nom de hadith de Jibril alayhi salam, à propos duquel l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous disait: ce hadith est un hadith très immense qui contient l'explication de toute la religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fin: ceci est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Le hadith de Jibril. Et donc nous étions arrivés, après avoir cité l'islam ainsi que ses piliers, puis la foi ainsi que ses fondements, à la citation de la bienfaisance, l'excellence, l'ihsan, qui est le plus haut degré de l'islam, ainsi que ses deux degrés. Donc l'ihsan, qui est le plus haut degré de l'islam, c'est-à-dire que toute personne qui aura atteint le degré de l'ihsan aura forcément atteint le degré de l'islam, qui est la soumission, et l'iman, qui est la foi, et non pas l'inverse. Donc tout mursin sera mu'min et muslim. Et tout muslim n'est pas forcément mu'min, comme cité précédemment, car l'islam, lorsqu'il est associé à l'iman, concerne les actes apparents. Donc cela peut englober le musulman qui a la foi basse et l'hypocrite. Quant au mu'min, il sera forcément muslim, car il aura accompli les actes apparents, qui sont les piliers de l'islam, et il aura les actes intérieurs, qui sont les fondements et les piliers de la foi. Puis el-muhsin, qui aura le plus haut degré de l'islam, qui sera forcément mu'min et muslim. Et donc el-ihsan, la bienfaisance, l'excellence, contient aussi deux degrés. Le premier, qui est le meilleur, se trouvant dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et le deuxième degré, dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Tout cela dans les propos de Jibril alayhi salam, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, premier degré, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak, deuxième degré. Donc la bienfaisance est que tu adores Allah comme si tu le voyais, premier degré, et si tu ne le vois pas, lui te voit, deuxième degré. Le noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, nous dit à ce sujet: quant à la bienfaisance dans l'adoration d'Allah, elle est que tu adores Allah comme si tu le voyais, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le premier degré. Puis il nous dit: et cette adoration, c'est-à-dire que la personne adore Allah comme si elle le voyait, est appelée l'adoration de demande et d'envie. C'est-à-dire que la personne recherche Allah subhanahu wa ta'ala et a envie de s'approcher de lui subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit: et dans l'adoration de demande et d'envie, la personne ressent de son âme ce qui le pousse et l'incite à l'adoration, car il recherche et demande à travers cela celui qu'il aime, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'adore comme s'il le voyait. Il se dirige vers lui, revient à lui repentant et se rapproche de lui. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam: si tu ne le vois pas, lui te voit, donc deuxième degré. Ceci est l'adoration de la fuite et de la peur. Et c'est pour cela que ce degré est le deuxième degré de l'ihsan. Donc c'est-à-dire qu'il est inférieur au premier. Puis il nous dit, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais et le demandais en incitant ton âme à l'atteindre, alors adore-le comme si lui te voyait, en l'adorant de la manière d'une personne ayant peur de lui, fuyant son châtiment et sa sanction. Et ce degré, donc, est considéré auprès de Arbab al-Suluk comme étant inférieur au premier. Donc ici, le fait que la personne, si elle n'arrive pas à atteindre le premier et le plus haut degré, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec demande et envie, comme si on le voyait, alors de l'adorer de la manière d'une personne se sentant observée et surveillée par lui subhanahu wa ta'ala. Et donc ces deux états, le premier et le deuxième, vont pousser la personne à exceller et à parfaire son adoration et à délaisser et s'écarter des actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le noble savant, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, nous dit aussi concernant l'Ihsan, en particulier concernant al-Muraqaba, qui a été cité par le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, comme étant le deuxième degré. Il nous dit, rahimahullah, ce sens est appelé al-Muraqaba, donc qui est le fait que le serviteur se sente constamment observé par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muraqaba. Il nous dit, rahimahullah, donc un sentiment d'observation particulier et véridique. Quant au fait que le serviteur se sente observé et surveillé par son Seigneur, il se rappelle constamment que Allah le voit, sait où il est, entend ses paroles, et sait ce qui se trouve dans son fort intérieur. Et cette muraqaba, donc ce sentiment du serviteur quant au fait qu'il soit observé et surveillé par son Seigneur, viendra se placer entre lui et l'accomplissement des péchés. Tout comme il viendra se placer entre lui et l'insouciance et le fait de se détourner d'Allah pour se diriger vers autre que lui. Et ce sentiment le poussera aussi vers Allah, de par le fait qu'il a pour croyance que rien ne peut échapper à Allah, et cela même s'il ne le voit pas. Intaha kalamu wa rahimahullah. Douzième mas'ala, qui concerne l'heure, as-sa'a, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Cela dans la parole de Jibril alayhi salam, lorsqu'il dit « Akhbirni an as-sa'a » et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Donc, informe-moi à propos de l'heure. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, celui qui est questionné n'est pas plus informé que le questionneur. Donc, as-sa'a, l'heure. Premièrement, le fait de savoir que cette science, la connaissance de l'heure, fait partie du Ghaib al-Mutlaq, c'est-à-dire une science dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul détenteur en dehors de toutes ses créatures. Allah nous dit d'après le sens du verset, certes Allah détient auprès de lui seul la connaissance de l'heure. Ilm al-sa'a, surat Luqman, verset 34. Deuxièmement, dans le hadith, nous avons une des preuves montrant que l'heure, al-sa'a, malgré que son terme soit inconnu, a des signes précurseurs qui sont de deux catégories. Cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse à Jibril lorsqu'il lui a dit « Akhbirni an amaratiha » « Informe-moi » à propos de ces signes précurseurs. Donc ces signes sont de deux types. Premièrement, « al-alamatul kubra » donc les grands signes, qui sont les grands signes proches de l'heure, qui ont été restreints dans certains hadiths au nombre de 10, comme la venue du Mahdi, ou bien la venue du Dajjal, ou bien la descente de Isa alayhi salam, et autres. Deuxième catégorie, al-alamatu sughra, les petits signes de la fin des temps qui sont nombreux, comme la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres étant venus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'augmentation des personnes tuées, al-qatl, l'augmentation de l'apparence des péchés, dhuhur, al-ma'asi, le manque de science religieuse profitable, l'augmentation de l'ignorance et autres. Et comme ceux cités dans le hadith que nous avons entre les mains. Premièrement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la servante engendre sa maîtresse. Antalid al-amatu rabbataha. C'est-à-dire qu'il y aura un grand nombre de malfaisances envers les parents, à tel point où l'enfant sera comme le maître de ses parents, de par le fait qu'il leur désobéit et qu'il s'enorgueillisse face à eux. Ou il a été dit, comme sens de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le nombre de conquêtes augmentera, et donc le nombre d'esclaves augmentera. Ce qui fait que le maître aura des esclaves avec lesquels il aura des rapports qui seront licites, car elles sont ses esclaves. Et donc, ces esclaves auront des enfants qui seront eux libres, du fait que leur père n'est pas un esclave. Mais leur mère, elles, resteront esclaves. Donc, les filles seront les maîtresses de leur mère. En talid al-amatu rabbataha. Deuxième des signes cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers, se concurrencer dans les hautes demeures. C'est-à-dire des personnes pauvres auparavant, comme les bédouins, qui n'ont pas pour habitude de prendre grand soin à leur apparence extérieure, et des bédouins qui vivaient dans les contrées reculées ou dans des tentes, dans une vie modeste, se concurrencer dans des hautes et belles demeures. Le noble savant, le cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit en commentaire de cela: cela fait partie des signes de la fin des temps, que les gens se concurrencent dans les constructions, comme cela est apparent et se produit de nos jours, conformément à ce qu'a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Les bédouins, les gens du désert, habitent maintenant les villes et se vantent dans les constructions. Chacun veut faire mieux que l'autre, dans l'apparence ou la hauteur de sa construction. Cela est donc un des signes de la fin des temps et un des miracles prophétiques, car il y a une chose dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est produite comme il l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. Treizième des mas'alas, l'importance de dire, lorsque l'on est questionné sur un sujet que l'on ne connaît pas, Allahu a'lam, Allah est plus savant. Ou Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. Cela à condition que la question soit dans un propos ou un sujet religieux. Et si le sujet est une affaire mondaine, alors il sera interdit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants, mais la personne devra dire simplement Allah est plus savant, car le messager sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Et à ce sujet, il a été dit: La adri, je ne connais pas, est la moitié de la science. Quand l'insan yaqulu la adri fi ma la ya'lam, le fait que la personne dise je ne connais pas sur les sujets qu'elle ne connaît pas. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient connus pour être les personnes les plus éloignées quant au fait de parler sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, comme le cite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Quatorzième mas'ala. Nous tirons du hadith le bon comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Cela car ils n'ont à aucun moment ou ils ne se sont à aucun moment immiscés dans la conversation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam. Et cela fait partie des immenses comportements à adopter dans les assises de science, fi majalis al-ilm. Cela comme était le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quinzième mas'ala. Durant du hadith, le haut rang de Jibril alayhi salam, qui est chargé de transmettre la révélation et qui est le meilleur des anges, à l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet: détenteur de force et ayant un haut rang auprès du détenteur du trône. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Détenteur de force, c'est-à-dire dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela comme le fait qu'il ait retourné les demeures de Lot, du peuple de Lot, alayhi salam, et qu'il les ait anéantis. Détenteur de force. Ayant un haut rang auprès du Seigneur du trône, c'est-à-dire qu'il est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a une haute place spécifique qui est au-dessus du reste des anges. Cela comme le cite l'imam al-Sa'di rahimahullah. 16e mas'ala, l'importance de la recherche et de l'étude de la science et de questionner à propos des sujets importants et profitables dont on a besoin dans la religion. Tout comme nous tirons du hadith la très grande importance des sujets traités dans ce hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam a appelé religion. Et donc il incombe à chacun de donner une très grande importance quant à l'apprentissage, la compréhension, la mise en pratique et à l'appel de ce que contiennent ces masaïl cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous compter parmi les guides bien guidés, qui comble nos manquements, subhanahu wa ta'ala, qui nous pardonne nos fautes, et qu'il nous accorde un surplus de connaissances et de sciences. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa majlisuna al-muqbil fi hadith fil hadith al-thalith bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et donc nous continuerons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans notre prochaine assise avec le troisième hadith qui est le hadith de Abdurrahman ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.